La politesse par Casimir Bonjour. Le mot politesse est grec d'origine. Il vient du mot cité qui signifie manière de la ville, par opposition à rusticité, manière de la campagne. La politesse est peut-être, de toutes les qualités humaines, celle qui contribue le plus à l'agrément de la vie. On est poli dans l'affection, dans l'indifférence, dans la haine. On l'est pour tous les sexes, pour tous les âges. On l'est à l'égard de ses chefs, de ses inférieurs, de ses égaux. La politesse est une application constante de l'amour de ses semblables. C'en est une peut-être de l'amour de soi. C'est le développement de la bienveillance dans ses nuances les plus fines, dans ses plus exquises délicatesses. La politesse adoucit les aspérités du caractère, ajoute à l'amitié, tempère la haine, prévient les mauvais procédés et orne les bons. On peut dire avec vérité que si l'affection fait le bonheur de la vie, la politesse en fait le charme. Elle s'est toujours développée sous l'influence d'une double cause, la culture de l'intelligence et le mélange des sexes. Partout où les arts ont prospéré, partout où les femmes ont occupé le rang qui leur est dû, la politesse est venue répandre et multiplier ses bienfaits. Nous allons la suivre à la trace, et nous la verrons jeter un éclat plus ou moins vif, suivant que ces deux mots ont agi beaucoup ou peu, ensemble ou séparément. Nous nous occuperons d'abord des Grecs. C'est chez eux que la politesse semble avoir apparu pour la première fois. Athènes fut son séjour de prédilection. Athènes, la ville de Minerve, la capitale du goût, des sciences et des arts. Si la politesse était uniquement fille du développement intellectuel, elle eût dès lors atteint son apogée. Mais chez les Athéniens, une condition manquait. Les femmes n'y étaient point honorées. Placées en dehors de la vie commune, leurs fonctions se bornaient à donner des enfants à leur mari et à surveiller la domesticité. Cette dégradante position eut sur les mœurs publiques une action funeste. Tout ordre social, où les deux sexes n'occupent point un rang à peu près parallèle, est un ordre social imparfait et boiteux. La place des femmes doit être grande. Ce sont elles qui polissent les formes, qui donnent de l'aménité au caractère. Elles ont sur le cœur de l'homme l'influence que les beaux-arts ont sur son esprit, et sans elles, il ne peut exister qu'une demi-civilisation. La remarque que nous faisons ici sur les Grecs, on peut l'appliquer aux Romains. Pour amener une amélioration, il fallait une crise de l'espèce humaine. Cette crise arriva quand le christianisme apparut. C'est lui qui effaça toute distinction injurieuse et éleva la condition de la femme. Grâce à lui, elle devint ce qu'elle doit toujours être, l'égale, l'amie, la compagne de l'homme. Elle fut la mère, non la nourrice de ses enfants, et sa douceur communicative apprit au sexe le plus fort que le bonheur est dans l'intimité. Vers l'époque des croisades, une nouvelle crise eut lieu dans notre vieille Europe. Alors la politesse venait de passer avec les sciences d'une religion à une autre. Alors les chrétiens grecs avaient civilisé les arabes musulmans. Élevés à l'école des vaincus, les sectateurs de Mahomet y avaient puisé cette courtoisie exaltée, ces formes séduisantes, qui répandent tant de charme sur l'histoire des premiers califes. Conduits en Orient par un élan religieux, nos vaillants et grossiers ancêtres furent ravis d'y trouver une civilisation si brillante et reçurent de Saladin et de ses arabes des leçons de bon goût, de galanterie et de savoir-vivre. L'imitation fut prompte et les succès rapides. Ces heureuses semences furent rapportées dans notre Europe et un peu plus tard, elles y furent encore fécondées par la domination en Espagne des Arabes et des Maures. C'est grâce à cette série d'événements, grâce à ces enseignements d'un peuple à l'autre, que nos mœurs un peu rudes se sont adoucies. Et c'est ainsi que la politesse a fait le tour du monde à la suite des arts et du respect pour les femmes. Cette dernière cause, il faut le dire, fut parmi nous, durant plusieurs siècles, la cause unique. L'instruction y fleurissait peu. Chez nos bons aïeux, on eut des cours d'amour avant d'avoir des collèges et l'on chanta sa dame et son roi longtemps avant de savoir lire. Une troisième circonstance a dû augmenter parmi nous ces égards mutuels qui constituent la politesse. Cette circonstance, c'était l'habitude de porter l'épée et la fréquence des duels. Quelque vaillant qu'on soit, on ne se soucie point de prodiguer tous les jours sa vie, et nos pères étaient polis pour rendre plus rares les occasions d'être braves. C'est à l'action combinée de ces trois causes que l'Europe a dû ses mœurs et notre pays sa prééminence. Aussi galant que les Espagnols, aussi instruit que les Anglais, aussi dualiste que tout le monde, nous devions nécessairement obtenir la première place. C'est chez nous que toutes les noblesses venaient faire autrefois l'apprentissage des belles manières. c'est nous qui étions les arbitres du goût et des convenances. Pendant le dernier siècle, une phrase avait cours dans les salons de l'aristocratie européenne. Cette phrase, la voici. Il faut se rendre en Angleterre pour y penser, en Allemagne pour y passer, en Italie pour y séjourner, en France pour y vivre. Cette idée est vraie, cet éloge était mérité. Monarques, gentilshommes et bourgeois, tout le monde se piquait d'avoir des formes, et chez nous, la politesse était devenue une qualité du sol. De tous nos rois, le plus remarquable en ce genre, ce fut le grand roi Louis XIV. Louis XIV, qui se faisait un point d'honneur de rester découvert devant toutes les femmes sans exception. Louis XIV, qui régna 60 ans par le goût, par les arts, par les bonnes manières. Louis XIV enfin, qui, dans toutes les phases de sa longue carrière, enveloppé des plis de son manteau royal, put toujours défier les regards et être admiré. L'impulsion était donnée, et la conduite licencieuse de son successeur ne put arrêter le mouvement des mœurs publiques et en altérer l'élégance. Un fait historique constatera beaucoup mieux que tous les récits jusqu'où l'on poussait alors les égards réciproques. Il y a, dans l'anecdote très connue que nous allons citer, un côté grotesque, sans doute, mais elle n'en peint que mieux les habitudes de l'époque et l'exagération d'une qualité. À la bataille de Fontenoy, où la France et l'Angleterre se trouvèrent en présence, on s'attendit mutuellement quelques minutes avant d'en venir aux mains. Les officiers des deux armées se découvrirent et se saluèrent. « À vous, messieurs les Anglais, » disaient les uns. « À vous, messieurs les Français, » répondaient les autres. Cette lutte courtoise dura plusieurs instants. Mais là encore, la politesse française eut le dessus, c'est nous qui essuyâmes le premier feu. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, c'est dans notre heureuse patrie que la politesse et la bonne grâce, sa sœur, se sont, ou plutôt s'étaient fixées. On y trouvait, pour me servir de l'expression de Jean-Jacques Rousseau, ces manières élégantes et simples, également éloignées de la rusticité tudesque et de la pantomime ultramontaine. Un éloge s'ébriant de nous par l'un des nôtres serait contestable si nos rivaux ne l'avaient ratifié en nous imitant. L'imitation est un aveu et le meilleur de tous. Les étrangers y ont joint des louanges écrites. On trouve ce qui suit dans la correspondance, imprimée à Londres, du célèbre Lord Chesterfield avec son fils. Il faut convenir que les grâces ne sont pas originaires de la Grande-Bretagne et que nous tenons ici du diamant brut beaucoup plus que du diamant poli. Depuis que la barbarie les exila de la Grèce et de Rome, elles semblent avoir choisi un refuge en France, où leurs temples sont nombreux et où leur culte domine. Ce qui donne un prix infini aux paroles que nous venons de rapporter, c'est qu'il n'a jamais existé peut-être un juge plus compétent, en pareille manière, que Lord Chesterfield. Écrivain, diplomate et grand seigneur, il était un des hommes les plus spirituels, les plus gracieux, les plus éminents de son siècle. J'ajoute qu'il était grand patriote. Ailleurs, il s'exprime ainsi sur le même sujet. J'ai souvent dit, et je pense qu'un Français qui, avec un fond de vertu, de savoir et de bon sens, possède les manières et la politesse de son pays, est la perfection de la nature humaine. Telle était l'opinion exprimée par un illustre personnage et partagée par l'Europe entière à une époque peu éloignée de la nôtre. Avons-nous recueilli ce glorieux patrimoine ? Je n'ose répondre affirmativement. Une révolution a eu lieu parmi nous il y a 50 années, et cette révolution a bouleversé nos mœurs et modifié profondément nos habitudes. Le code civil, qui en est l'expression, a divisé, subdivisé le sol, et les gens de loisirs sont devenus très rares. Ce sont eux pourtant, ce sont les grands propriétaires, qui donnent naturellement l'impulsion en ce genre. La politesse commande une foule de soins délicats, d'attentions fines, qui réclament chaque jour de nombreux instants. Aujourd'hui, presque tout le monde travaille et les gens occupés n'ont pas le temps d'être polis. Ce n'est pas tout. Ici, je vais me placer sur un terrain plus glissant. Loin de moi la pensée d'attaquer jamais le gouvernement représentatif. Ses bienfaits sont inappréciables, mais tout avantage a ses inconvénients, toute qualité a ses défauts. La Constitution fait parfois arriver au timon de l'État des gens qui connaissent les affaires et ignorent le monde, qui ont la science du budget et non pas celle des bonnes manières. Or, ce sont ces hommes-là qu'on lit, qu'on regarde et qu'on imite. Ajoutez à cela les discussions passionnées de la tribune et des journaux. Tenez compte du cynisme qui, en 1793, envahit tous les rangs, des habitudes militaires sous l'Empire et du mélange avec les étrangers sous la Restauration. Vous vous expliquerez alors la rapide transformation de nos mœurs. vous comprendrez que la décadence était inévitable. Osons le dire avec franchise, la politesse n'est plus chez nous qu'un souvenir. Ce que la chevalerie, Louis XIV et les arts avaient lentement amené, nous l'avons perdu rapidement, et Lord Chesterfield, j'en suis certain, aurait quelque peine à nous reconnaître. Je me rappelle à ce sujet un fait qui m'a beaucoup frappé. Un Américain, homme d'esprit et propriétaire rédacteur de la revue de Philadelphie, a fait à Paris un premier voyage en 1800 et un second en 1836. Il était, vu les distances, beaucoup plus en état de nous juger qu'un autre. Je lui demandais tout récemment quel était, des changements opérés dans nos mœurs, celui qui l'avait le plus frappé. Il me répondit sans hésiter la disparition de la politesse. Quelques personnages haut placés ont lutté dans ces derniers temps contre une si déplorable tendance. Parmi eux, nous citerons Napoléon. Ils savaient tous qu'un grand roi peut devoir d'éclat aux formes sociales, à l'élégance exquise des manières. Il aimait la politesse et y voyait avec raison un indice de civilisation élevée. Un matin qu'il était à la parade, un homme à cheveux poudrés et à ailes de pigeon se mit sur son passage et lui offrit avec grâce une lettre posée à plat sur son tricorne. Le premier consul, étonné, se tourne vers M. de Ségur, et celui-ci lui apprend que sous l'Ancien Régime, on présentait ainsi les placés au roi. Aussitôt, Napoléon, charmé, rendit au grand seigneur les bois confisqués qu'il réclamait. Plus tard, il l'attira aux Tuileries et finit par le nommer son ambassadeur à Vienne. Madame de Flao, comtesse de Souza, m'a raconté l'anecdote suivante qui contribua, dit-on, à la brillante fortune d'une personne de sa famille. L'auteur, d'Adèle de Sénange, possédait à l'opéra une loge à l'année parallèle à celle du premier consul. Un soir, qu'elle occupait la première banquette avec son fils, Napoléon apparut dans la loge opposée. Aussitôt, le jeune Flao eut la modestie de se retirer sur le second rang. Ce trait de bon goût fit dire au premier consul « On voit bien que ce jeune homme a été élevé par une femme. » Quelques jours après, il témoigna le désir qu'on le lui présenta. Les qualités personnelles de M. de Flao ont fait le reste. Les vives passions qui ont toujours agité l'empereur et sa présence habituelle dans les camps l'ont quelquefois empêché de joindre, en fait de politesse, la pratique à la théorie. Mais généralement, il s'en est mal trouvé. En voici deux exemples. Un soir, qu'il était face à face avec une vieille marquise qu'il détestait, il s'oublia au point de lui dire assez durement « Oh, que vous êtes laide !» Votre Majesté devrait savoir que lorsqu'une femme est laide, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement. » Et Napoléon de se mordre les lèvres. Une autre fois, rencontrant une femme qui avait à la réputation de préférer la conversation de notre sexe à celle du sien, il lui dit, sans détour aucun, « Aimez-vous toujours les hommes ?»« Oui, sire, quand ils sont polis. » Et Napoléon se mordit encore les lèvres. La partie de la politesse la plus difficile, la plus savante et la plus rare est peut-être ce qu'on pourrait appeler l'art de refuser. C'est là qu'il faut user de toutes les ressources de la bonne grâce, de toutes les séductions du sourire. Un homme qui joua, au début de ce siècle, le rôle le plus éclatant, oublia un jour de tempérer par la forme ce qu'un refus a de désobligeant par le fond. Il en fut assez rudement puni, et la personne offensée eut soin de mettre, dans la défense, la grâce et le bon goût qui manquaient à l'attaque. Le coupable était Fouché, duc d'Otrante. Sa partie adverse, la marquise de Coislin, une de ces femmes qui ont le secret de tout dire en restant dans les convenances et qui possèdent le talent d'être audacieuse avec mesure et mordante avec agrément. La marquise demanda un jour une audience au ministre de la police générale. C'était sous le consulat. L'audience fut accordée. Mais le haut fonctionnaire, qui n'avait point adopté encore le système de caresser l'aristocratie et de faire les yeux doux au faubourg Saint-Germain, était bien décidé à refuser Madame de Coislin quelque chose qu'elle réclama. L'ex-conventionnel la reçut, en conséquence, debout, le coude sur la cheminée et sans lui proposer de s'asseoir. Citoyen ministre, je viens vous demander pour quel crime Madame d'Abaret, ma sœur, est exilée. C'est qu'elle est une ennemie du gouvernement. C'est qu'elle a l'audace de le braver. Elle, audacieuse, elle, braver le premier consul, que vous la jugez mal. Elle est si douce, si timide, qu'elle n'oserait jamais vous dire « Citoyen ministre, avancez-moi donc un fauteuil. » À ces mots, Fouché rougit. Quelques instants après, Madame de Coislin eut un fauteuil et Madame d'Avaray la permission de revenir à Paris. Après avoir cité un personnage moderne qui ne savait pas adoucir un refus, nous allons en citer un autre qui savait embellir une concession. Pour être plus aisé, ce talent est encore assez rare. Trop de gens se persuadent qu'un bienfait peut se passer d'ornement. Un jour, le vicaire d'une petite commune de province se présente chez son neveu, le général Savary, duc de Rovigo, ministre de Napoléon, et lui dit en tremblant « La cure de mon canton étant vacante, une idée ambitieuse s'est emparée de moi, et j'ai fait le voyage de Paris pour vous demander cette place. »« Une cure ? » dit le grand seigneur impérial. « Si vous trouvez la chose impossible, je n'insiste pas, » répondit le modeste ecclésiastique. « Mon oncle, je ne dis pas cela. Voyons, réfléchissons un peu. À quel diocèse appartenez-vous ? À celui de Meaux. Attendez donc. J'y suis. Venez ce soir dîner chez moi. Je compte avoir votre évêque. » « Moi, dîner avec monseigneur, moi, pauvre desservant de village, je n'oserais jamais. » « Un oncle, ce me semble, peut bien dîner chez son neveu. Je compte sur vous pour 5 heures. » À 5 heures, en effet, le timide vicaire arrivait dans le salon ministériel, où il cherchait des yeux son supérieur ecclésiastique. Quelques minutes après, « Monseigneur ne vient pas, » dit le duc. « Nous allons toujours nous mettre à table. Mon oncle, voulez-vous bien me précéder ?» Pendant tout le dîner, le pauvre desservant avait les yeux sur la porte, ne mangeait pas et ne disait mot, il attendait. Enfin, au dessert, il éleva faiblement la voix et demanda si monseigneur ne viendrait point. Monseigneur est venu. « Où est-il donc ? » dit l'oncle pâlissant. « Le voilà. » Que signifient ces paroles ? « Elles signifient que l'évêché était vacant, que je l'ai demandé et que l'empereur vous a nommé. » C'est ainsi que M. Fodoas, oncle de Mme la duchesse de Rovigo, fut promu, jeune encore, au siège de Meaux, qu'il occupa fort longtemps. Le général Savary montra, dans cette circonstance, une délicatesse de bonne compagnie que l'on n'attendait pas d'un soldat parvenu, et ici, le nouveau régime fut au moins égal à l'ancien. Pourquoi faut-il que de pareils exemples deviennent tous les jours si rares ? Pourquoi faut-il qu'un sans-façon que je n'ose qualifier et remplacer l'urbanité de nos pères. Une femme du faubourg Saint-Germain m'a raconté que récemment, par un froid très vif, elle se trouvait en voiture avec un jeune marquis et que, le voyant le chapeau à la main, elle lui avait dit obligeamment « Pourquoi donc ne vous couvrez-vous pas ?»« Pardon, madame, c'est une distraction, » répondit le jeune aristocrate, et il se couvrit aussitôt. C'est par distraction qu'il avait été poli. Une chose qui a dû contribuer puissamment à cette altération de nos mœurs, c'est que les femmes ont perdu, j'allais dire volontairement, une partie de leur influence. Dans les réunions, autrefois si douces, où les deux sexes se confondaient, elles ont laissé prendre une habitude funeste. Elles se rangent d'un côté, les hommes de l'autre, et il y a aujourd'hui 2 camps dans nos salons. Si j'osais donner un conseil au sexe, qui, pour notre avantage, nous en donne si souvent de très heureux, je lui dirais que dans cette occurrence, il n'a point montré son habileté connue. La politique l'ennuie et l'odeur du cigare lui déplaît. À la bonne heure. Mais était-ce une raison pour tout abandonner ? Il fallait lutter et entrer en campagne. Il fallait attaquer bravement l'ennemi ou capituler avec lui. Les femmes n'ont su adopter ni l'une ni l'autre tactique. Elles ont partout donné leur démission. Qu'elles y prennent garde. Pour elles et pour nous, cette conduite est dangereuse. Elles ont été jusqu'ici des instruments de civilisation. Et c'est par elles que nous sommes devenus des hommes. Si elles nous délaissent, nous serons avant peu des sauvages. » Ainsi s'achève La politesse par Casimir Bonjour.